Ami humain, bonjour. Combien rapporte un salarié à son employeur? Écoutez, dans aucune étude on ne trouve le coût du capital sur un produit fini. J'ai tapé sur Google « Combien rapporte un salarié à son employeur » et je n'ai eu que des propositions sur le coût du travail. Car en effet, il y a des milliers d'études, des centaines de rapports parlementaires et autant d'articles dans les médias sur le coût du travail, mais jamais sur ce que rapporte le travail. Les deux sujets tabous sur le travail sont effectivement combien rapporte le travail salarié à l'entreprise et quel est le coût du capital sur la dite entreprise. Sur une paire de baskets ou d'un jean, le coût de production total, dont les salaires, est d'environ 10%. La marge de la marque, pub comprise, autour de 40% et 45% pour le détaillant, vente magasin, les 5% restants sont le coût du transport. Dans l'industrie automobile, le coût de la main-d'œuvre est globalement de 7% et une récente émission télé sur le téléphone portable nous apprenait que le coût de la main-d'œuvre sur ce produit était d'environ 2,38 €, quelle que soit la marque. Une aberration parmi d'autres, celle des lave-linges que l'on fait fabriquer en Europe de l'Est pour gagner moins de 15 € par produit, et pour réexpédier 80% de la production en France, ce qui représente des centaines de camions en permanence sur les routes, et là, personne ne nous parle de l'impact sur l'environnement et du coût écologique. Au Bangladesh, les femmes reçoivent un salaire de 10 à 13 € mensuels pour fabriquer le t-shirt bon marché vendu dans nos grandes surfaces. Pour un t-shirt vendu en boutique 29 €, de manière tout à fait scandaleuse, les grossistes et les détaillants engrangent 72% de marge sur le prix de vente. La main d'œuvre, elle, ne représente que 1% du prix final du t-shirt. Pour les fêtes ou les anniversaires, les jouets sont à l'honneur. Eh bien, il faut savoir que par exemple, pour certaines poupées qui se vendent aux alentours de 10 €, la main d'œuvre représente moins de 1% du prix. Mais en règle générale, pour les jouets venant du sud-est asiatique ou de Chine, le prix de la main d'œuvre se situe entre 2,5 et 3,8% du prix de vente du jouet. Le Père Noël serait-il une ordure ? On peut, je crois, continuer les exemples à l'infini, on aura du mal à voir le coût du travail tant décrié par nos médias, économistes et autres aficionados de la propagande pro-capital. La réalité est qu'en 2 heures, en moyenne, un salarié paye son salaire journalier, le reste c'est du bénéfice pour l'entreprise. Entreprises qui entendent bien profiter à fond du système, mais ne veulent plus participer à l'entretien des infrastructures dont elles ont besoin, routes, autoroutes. Entreprises qui veulent de la main d'œuvre mais surtout ne pas payer pour sa formation. Entreprises qui utilisent et usent des salariés mais qui n'entendent pas mettre la main à la poche pour préserver leur santé, bref, profiter, profiter sans jamais avoir à payer. Le discours qui dit que fabriquer en France coûte cher est mensonger. Car l'on peut très bien vendre à un prix compétitif, même en augmentant les salaires, il suffit pour cela de diminuer les dividendes distribués aux actionnaires. Et dans tous les cas, on ne tient pas compte de l'impact du transport sur l'environnement. Les milliers de conteneurs transportés par des supercargos ou les millions de camions réfrigérés ou non qui sillonnent inlassablement routes et autoroutes. Le « produire local » est la bonne solution pour les hommes et la planète, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Quels que soient les sacrifices que le salarié consentira, il existera toujours dans le monde un endroit qui produira moins cher et qui attirera les investisseurs. On ne ferme pas les usines en France et en Europe parce qu'elles ne sont pas rentables, mais parce qu'elles ne rapportent pas assez aux actionnaires. Ce n'est pas le coût du travail qui est responsable des fermetures et des délocalisations, c'est la rapacité du capital. Sur conscience citoyenne responsable. Agir local, penser global. C'est logique. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.